à notre frère, absèque, sitôt disparu, que la terre lui soit légère. Même époque, les Maures avaient tendance à l'esclavage, c'est-à-dire à la captivité humaine. Un mardi, ils s'infiltrèrent dans un village Wallo Wallo Nomender pour une évasion rapide. Mais, comme à l'accoutumée, ce jour même à Ner, les hommes étaient au champ, les femmes naturellement au foyer. Mais avant l'instant tragique, c'est-à-dire l'invasion, ces dernières ont préféré le suicide à la captivité humaine. Ainsi, à jamais, le village de Ner ne fut soumis à l'esclavage. Yo na ni ma ni mo.